Alexandre Dumas. Martin Guerre. Lue par Juliette pour audiocité.net. On a coutume de s'étonner de la ressemblance frappante qui existe quelquefois entre deux personnes étrangères l'une à l'autre. C'est le contraire qui devrait surprendre. En effet, comment ne pas admirer cette puissance de création, si infinie dans sa variété, qu'elle ne cesse de produire des combinaisons toujours les mêmes. Plus on réfléchit sur cette prodigieuse fécondité de formes, plus on en demeure stupéfait. D'abord, chaque peuple a son type distinct et bien caractérisé, qui le sépare des autres races d'hommes. Ainsi, il y a le type anglais, le type espagnol, le type allemand ou slave, etc. Puis dans ce peuple, il y a les familles distinguées entre elles par des traits moins généraux, mais bien prononcés encore. Puis enfin, les individus de chaque famille, que différencient des nuances plus ou moins tranchées. Quelle multitude de physionomies! Quelle prodigieuse multiplicité d'empreintes dans les innombrables épreuves de la face humaine! Des modèles par millions et point de copie. En présence de ce spectacle toujours nouveau, qu'est-ce donc qui doit nous inspirer plus d'étonnement? L'éternelle diversité des figures ou la ressemblance fortuite de quelques individus? Est-il impossible que d'une extrémité du monde à l'autre, il se trouve une fois par hasard deux personnes dont les traits soient formés sur un moule semblable? Non, sans doute. Aussi, ce qui doit nous paraître plus surprenant, ce n'est pas que ces personnes existent en tel ou tel lieu de la Terre, c'est qu'elles se rencontrent sur le même point et qu'elles s'offrent ensemble à nos yeux, si peu habitués à de telles ressemblances. Beaucoup de fables ont été bâties sur ce fait depuis Amphitryon jusqu'à nos jours. L'histoire en a aussi présenté quelques exemples, tels que ceux du fou Dmitri en Russie, de Perkins Warbeck en Angleterre, et de plusieurs autres imposteurs célèbres. Mais l'aventure que nous offrons à nos lecteurs n'est pas la moins curieuse, ni la moins étrange. Le 10 août 1557, jour néfaste dans l'histoire de notre pays, le canon grondait encore. À 6 heures du soir dans les plaines de Saint-Quentin, les troupes françaises venaient d'être détruites par les forces réunies de l'Angleterre et de l'Espagne, que commandait le fameux capitaine Emmanuel Philibert, duc de Savoie. L'infanterie entièrement écrasée, le connétable de Montmorency, fait prisonnier avec plusieurs généraux, le duc d'Enghien, blessé à mort, la fleur de la noblesse moissonnée, tels furent les tristes résultats d'une bataille qui plongea la France dans le deuil et qui aurait brisé la couronne de Henri II si le duc de Guise n'eût pris l'année suivante une éclatante revanche. Dans un petit village situé à un quart de lieue du champ de bataille, on entendait avec horreur les gémissements des mourants et des blessés qu'on y avait transportés. Les habitants avaient cédé leur maison pour servir d'ambulance. Deux ou trois chirurgiens barbiers parcouraient ces demeures, ordonnant un peu lestement des opérations qu'ils confiaient à leurs aides et chassant de temps en temps quelques fuyards qui avaient trouvé moyen de se renfermer avec les blessés sous prétexte de prodiguer leurs soins à des amis ou à des parents qui leur étaient bien chers. Déjà, ils avaient expulsé un bon nombre de ces pauvres diables quand ils ouvrirent la porte d'une petite chambre où gisait, sur une natte grossière, un soldat baigné dans son sang qu'un autre soldat surveillait avec une extrême sollicitude. Qui es-tu ? Dit l'un des chirurgiens au blessé. Je ne te reconnais pas pour faire partie de nos bandes françaises. Hélas ! Secourez-moi ! Cria le patient. Secourez-moi et que Dieu vous bénisse ! D'après les couleurs de ce juste au corps, reprit l'autre chirurgien, je gagnerais que ce maraud appartenait à quelque gentilhomme espagnol. Par quelle méprise l'a-t-on porté ici ? Par pitié ! Murmurait le malheureux. Je souffre tant ! Fille ! S'écria le dernier interlocuteur en le poussant du pied. Crève comme un chien misérable. Cette action, à laquelle répondit un gémissement sourd, révolta l'autre praticien. Après tout, c'est un homme. C'est un malade qui implore nos secours. Laissez-moi avec, René. René sortit en murmurant, et celui qui restait se mit en devoir de visiter la blessure. C'était un horrible coup d'arquebuse qui avait traversé la jambe et brisé l'os. L'amputation était indispensable. Avant d'y procéder, le chirurgien se tourna vers l'autre soldat qui s'était retiré dans l'angle le plus obscur de la petite chambre. « Et toi, qui es-tu ? » Celui qu'on interrogeait s'avança et se montra au jour. Il n'y avait pas besoin d'autre réponse. Il ressemblait si parfaitement à son compagnon qu'on devait d'abord les reconnaître pour deux frères, et même pour deux frères jumeaux. Tous deux étaient d'une taille au-dessus de la moyenne. Ils avaient le teint olivâtre, le front élevé, les yeux noirs, le nez aquilin, le menton fourchu, la lèvre inférieure légèrement saillante, le dos un peu voûté, mais ce défaut n'avait rien de disgracieux. L'ensemble de leur personne respirait la force et n'était pas sans une mâle beauté. Jamais on ne vit une conformité si complète. L'âge aussi paraissait se rapporter. On n'aurait pas donné plus de 32 ans à l'un ni à l'autre. Les seules différences qu'on put remarquer entre eux, outre la pâleur répandue sur le visage de l'homme couché à terre, c'était d'abord la maigreur de celui-ci, contrastant avec l'embonpoint modéré de l'autre, puis une large cicatrice que le blessé avait au sourcil droit. « Ayez soin de l'âme de votre frère, » dit le chirurgien au soldat qui se tenait debout, « car je le plains si elle est en même danger que son corps. » « N'y a-t-il donc aucun espoir ?» demanda le sosie du blessé. « La plaie est trop large et trop profonde, » répondit l'homme de l'art, « pour être cautérisée par l'huile bouillante suivant l'ancienne méthode. Delenda est causa mali. Il faut extirper la cause du mal. » Comme dit Maître Ambroise Paré, je dois plutôt secare ferro, c'est-à-dire lui couper la jambe. Dieu veuille qu'il survive à l'opération. Tout en cherchant ses instruments, il regardait en face le frère supposé de la victime et il ajouta. Mais comment se fait-il que vous portiez tous deux le mousquet dans des rangs opposés ? Car je vois que vous êtes des nôtres, tandis que ce malheureux porte les couleurs espagnoles. « Oh, ce serait une trop longue histoire à vous raconter, » répondit l'autre en secouant la tête. « Moi, j'ai suivi naturellement la carrière qui m'était ouverte et je me suis enrôlé volontairement sous les drapeaux de notre roi et seigneur Henri, deuxième du nom. Quant à celui que vous avez si bien reconnu pour mon frère, comme il est né à Biscaye, il s'est trouvé attaché à la maison du cardinal de Burgos et par suite à celle du frère de ce cardinal, qui l'a forcé à le suivre à la guerre. » C'est sur le champ de bataille que je l'ai rencontré, au moment où il venait de tomber. Je l'ai dégagé d'un monceau de cadavres et je l'ai moi-même apporté ici. » Pendant ce récit, la physionomie de ce personnage trahissait une secrète agitation, mais le chirurgien n'y prit pas garde. Ne trouvant pas parmi ses outils ceux qui lui étaient nécessaires, « C'est mon confrère, s'écria-t-il, qui les aura emportés. Il n'en fait jamais d'autre, par jalousie de ma renommée. Mais je le rejoindrai. De si bons instruments qui fonctionnent tout seuls et qui seraient capables de donner de l'habileté à un ignorant comme lui. Je serai ici dans une heure ou deux. Du repos, du sommeil, aucune agitation, rien qui puisse enflammer la blessure. Et quand l'opération sera proprement faite, nous verrons. À la grâce du Seigneur. » Puis, il se dirigea vers la porte, confiant le pauvre diable aux soins de son frère. « Eh, mon Dieu !» ajouta-t-il en hochant la tête. « Avec l'aide d'un miracle, il en réchappera peut-être. » À peine le chirurgien fut-il dehors que le soldat valide examina curieusement le visage du blessé. « Oui !» murmura-t-il entre ses dents. « On me l'avait bien dit qu'il y avait dans l'armée ennemie un homme à qui je ressemblais trait pour trait. C'est que vraiment c'est à s'y méprendre. On dirait un miroir qui me renvoie ma propre figure. J'ai bien fait de le chercher dans les derniers rangs des troupes espagnoles. Et grâce à ce compagnon qu'il a abattu, si à propos d'un coup d'arquebuse, j'ai pu, en emportant son corps à l'écart, me soustraire au péril de la mêlée. Mais ce n'est pas tout, pensa-t-il en observant toujours la figure souffrante du malheureux amputé. Ce n'est pas tout que d'être sorti de là. Je n'ai rien au monde. Je ne possède rien. Sans asile, sans ressources, gueux de naissance, aventurier de fortune, je me suis enrôlé et j'ai mangé le prix de mon enrôlement. J'espérais le pillage, et nous voilà en pleine déroute. Que faire? Me jeter à l'eau la tête la première? Non, certes, autant valait mourir de la poudre à canon. Mais ne puis-je tirer parti du hasard pour me créer une condition sortable, mettre à profit cette étrange ressemblance et me servir de cet homme que le ciel a jeté dans ma route et qui n'a plus que quelques instants à vivre. Tout en faisant ces réflexions, il se pencha sur le corps du blessé en riant d'un rire sardonique. On eût dit Satan guettant au passage l'âme d'un damné qui ne peut lui échapper. « Hélas ! Hélas ! » criait le patient. « Que Dieu ait pitié de moi ! Ma fin est proche, je le sens !»« Bah, camarade, chassons les idées noires. Une jambe vous fait souffrir, on vous l'enlèvera. Ne pensons plus qu'à l'autre et confions-nous à la Providence. »« J'ai soif. Par grâce, une goutte d'eau !» Une fièvre violente venait de se déclarer. Le garde-malade regarda autour de lui et vit une cruche pleine d'eau, vers laquelle le moribond étendait une main défaillante. Une idée vraiment infernale traversa son esprit. Il versa de l'eau dans une gourde qu'il portait à sa ceinture et l'approcha des lèvres du patient, puis il la retira. « Oh, j'ai soif! Cette eau, par pitié! Oh, donne! Donne !»« Mais à une condition, c'est que tu me raconteras toute ton histoire. »« Oh oui, mais donne !» L'autre lui laissa boire une gorgée, puis le pressa de questions sur lui, sur sa famille, ses amis, sa fortune, et le força d'y répondre en tenant suspendu devant ses yeux le breuvage qui devait apaiser le feu dévorant de ses entrailles. Après cet interrogatoire souvent entrecoupé, le malade retomba épuisé et presque sans connaissance. Son compagnon, n'étant pas encore satisfait, imagina de le ramener en lui faisant avaler quelques gouttes d'eau-de-vie. Cette boisson excitante ranima la fièvre et remonta le cerveau au degré d'exaltation nécessaire pour que de nouvelles réponses succédassent à de nouvelles questions. Les doses du spiritueux furent redoublées plusieurs fois au risque d'abréger les jours du malheureux. Dans un état voisin du délire, il sentait sa tête embrasée d'un feu ardent, ses souffrances céder à la violence d'une irritation fébrile qui le reportait en d'autres lieux, en d'autres temps, jusqu'au jour de sa jeunesse et jusqu'au pays où il avait vécu. Mais une sorte de réserve enchaînait encore sa langue. Ses sentiments intimes, les détails secrets de sa vie passée n'étaient point encore venus sur ses lèvres. Et cependant, une crise pouvait l'enlever d'un moment à l'autre. Le temps pressait. Déjà le jour commençait à baisser, lorsque l'impitoyable interrogateur eut l'idée de profiter de cette obscurité. Il réveilla par quelques paroles solennelles les idées religieuses du patient, frappa son imagination de terreur en lui parlant des peines de l'autre vie et des flammes de l'enfer. Et secondé par les transports où il l'avait jeté, il parut aux yeux du mourant comme un juge chrétien qui allait le livrer à la damnation éternelle ou lui ouvrir les cieux. Enfin, pressé, torturé et écrasé par l'ascendant d'un homme dont la voix tonnait à son oreille comme celle d'un ministre de Dieu, le mourant lui livra tous ses aveux, tous, et lui fit sa confession. Quelques minutes après, le bourreau, car on pouvait l'appeler ainsi, se pencha sur la victime, ouvrit ses vêtements, y prit quelques parchemins et quelques pièces d'argent. Il fit ensuite un mouvement pour tirer sa dague, mais il se retint. Puis, repoussant dédaigneusement le corps, comme l'avait fait le premier chirurgien, « Je pourrais te tuer, » lui dit-il, « mais ce serait un meurtre inutile. J'avancerai de quelques heures tout au plus ton dernier soupir et mes droits à ton héritage. » Et il ajouta d'une voix moqueuse, « Adieu, frère !» Le moribond exhala un faible gémissement et l'aventurier sortit de la chambre. Quatre mois après cette scène, on voyait devant la porte d'une maison située à l'extrémité du village d'Artigues, près de Rieux, une femme assise qui jouait avec un enfant de 9 à 10 ans. Jeune encore, elle avait le teint brun des femmes du Midi. Sa belle chevelure noire retombait en larges boucles autour de sa tête. Le feu caché des passions se trahissait quelquefois par l'éclat de ses regards. Mais une nonchalance habituelle et une sorte de langueur semblaient recouvrir ce foyer presque éteint, et la maigreur de sa personne accusait quelque chagrin secret. On devinait une existence incomplète, un bonheur flétri, une âme douloureusement brisée. Son costume était celui d'une bourgeoise riche. Elle portait une de ces longues robes à manches flottantes qui étaient de mode au XVIe siècle. La maison devant laquelle elle se tenait assise lui appartenait, ainsi que le vaste champ qui joignait le jardin. En ce moment, elle partageait son attention entre les jeux de son fils et les ordres qu'elle donnait à une vieille servante, lorsque tout à coup, un cri de l'enfant la fit tressaillir. « Tiens, ma mère !» disait-il. « Tiens, le voilà !» Elle suivit la direction de son doigt et vit un jeune garçon qui passait à l'angle de la rue. « Oui !» poursuivit l'enfant. « C'est lui qui, hier, tandis que je jouais avec les autres garçons du village, m'a insulté par toutes sortes de mauvaises paroles. »« Et quel nom t'a-t-il donné, mon fils ?»« Il y en a un que je n'ai pas compris, mais ce devait être une bien grosse injure, car tous les autres m'ont tout à coup montré au doigt et m'ont laissé là. Il m'a appelé... Il dit qu'il ne fait que répéter ce que lui a dit sa mère. Il m'a appelé « méchant bâtard !» Le visage de la jeune femme devint pourpre d'indignation. « Quoi ? » s'écria-t-elle. « Ils oseraient ! Quelle indignité ! Qu'est-ce que veut donc dire ce vilain mot-là, maman ? » demanda l'enfant, troublé par cette colère. « Appelle-t-on ainsi les pauvres enfants qui n'ont plus de père ?» La mère serra son fils contre son sein. « Oh !» reprit-elle, « c'est une infâme méchanceté. Ces gens-là n'ont jamais vu celui que je pleure. Il n'y a que 6 ans qu'ils sont établis dans le village, et voilà la 8e année révolue depuis le départ de ton père. Mais leur calomnie est absurde. Cette église là-bas a vu célébrer notre mariage. Cette maison que j'ai reçue en dot s'est ouverte pour nous après la cérémonie. Et mon pauvre Martin a laissé ici des parents, des amis, qui ne souffriront pas qu'on insulte à l'honneur de sa femme. « De sa veuve !» interrompit une voix grave. « Ah, mon oncle !» s'écria la jeune femme en se retournant vers un vieillard qui sortait de la maison. « Oui, Bertrande, reprit le nouveau venu, il faut t'habituer à cette idée. Mon neveu n'est plus de ce monde, j'en suis sûr. Autrement, il n'aurait pas été assez fou pour rester si longtemps sans donner de ses nouvelles. Parti brusquement à la suite d'une querelle de ménage dont tu n'as jamais voulu m'apprendre la cause. Il n'aurait pas gardé rancune pendant 8 années. Ce n'était pas là son caractère. Où est-il allé? Qu'a-t-il fait? Nous n'en savons rien, ni toi, ni moi, ni personne. Mais à coup sûr, il est mort et repose en terre sainte bien loin de nous. Dieu veuille avoir son âme. » Bertrande fit un signe de croix et pleura, la tête inclinée sur ses mains. « Bonjour, Sanxi, » dit l'oncle en tapant sur la joue de l'enfant, qui se détourna avec humeur. L'aspect de cet homme n'avait en effet rien qui prévînt en sa faveur. Les enfants sentent d'instinct ces sortes de gens, faux, côteleux, dont le regard louche dément à leur insu les paroles mielleuses. « Bertrande, » s'écria-t-il, « ton fils indocile comme le fut autrefois son père, répond mal à mes caresses. » « Pardon, » répondit la mère, « l'enfant est jeune, il ne sait pas encore ce qu'il doit à l'oncle de son père. Je l'instruirai mieux, il apprendra bientôt, avec reconnaissance, les soins que vous prenez pour lui conserver sa petite fortune. » « sans doute, » dit l'oncle en s'efforçant de sourire. « Je vous en rendrai bon compte, car c'est avec vous seul que j'aurai affaire dans l'avenir. Va, ma chère, ton mari est bien mort. Bah, si tu m'en crois, voilà bien assez de regrets pour un mauvais sujet. N'y songeons plus. » En achevant ces mots, il s'éloigna et laissa la jeune femme livrée aux plus tristes pensées. Bertrande de Rolls, douée par la nature d'une sensibilité ardente, qu'une éducation sage avait contenue dans de justes bornes, atteignait à peine sa 12e année lorsqu'elle épousa le jeune Martin Guerre, qui n'était guère plus âgé qu'elle. Ces sortes d'unions précoces étaient alors en usage, surtout dans les provinces du Midi. Ce qui les déterminait le plus souvent, c'était des considérations d'intérêt et de famille, secondées par le développement hâtif de la puberté dans certains climats. Pourtant, les jeunes époux vécurent longtemps comme frères et sœurs. L'âme de Bertrande, dirigée de si bonne heure vers des idées d'amour légitimes, s'attacha tout entière à l'être qu'on lui donnait pour compagnon de toute sa vie. Elle lui rapporta toutes ses affections, toutes ses pensées. Lui seul devint le but et le centre de son existence. Et quand leur hymen fut sérieusement réalisé, la naissance d'un fils vint encore resserrer un lien fortifié d'avance par son ancienneté. Mais, bien des philosophes l'ont dit, le bonheur uniforme qui attache de plus en plus les femmes a souvent pour effet de détacher les hommes, et Martin Guerre l'éprouva. Vif, étourdi, impatient d'un joug qui l'avait porté de si bonne heure, curieux de voir le monde et de sentir sa liberté, il profita un jour d'un prétexte frivole, d'une légère dispute dont Bertrande confessa depuis avoir eu les premiers torts, pour quitter la maison et le village. On le chercha vainement, on l'attendit. Bertrande passa le premier mois à guetter son retour, mais inutilement. Puis, elle consacra ses jours à la prière. Le ciel resta sourd à ses vœux. Elle voulait partir aussi, courir à la recherche du fugitif, mais le monde est grand. et aucune trace ne pouvait la guider. Que de tourments pour ce cœur si tendre, que de regrets pour cette âme altérée d'amour, que de nuits sans sommeil, que de veilles sans repos. Des années se passèrent, son fils grandit, et rien ne vint lui apprendre ce qu'était devenu celui qu'elle avait tant aimé. Elle parlait souvent de lui à son enfant, qui ne la comprenait pas. Elle cherchait à retrouver ses traits dans ceux du jeune Sanxi, et, quoiqu'elle s'étudiât à concentrer toute son affection sur son fils, elle éprouvait qu'il y a des peines que l'amour maternel ne peut pas effacer, des larmes qu'il ne peut tarir. Et dévorée par l'ardeur même des sentiments qu'elle refoulait dans son cœur, la pauvre femme dépérissait lentement entre les regards du passé, les vains désirs du présent et la perspective solitaire de l'avenir. C'est en de pareilles circonstances qu'elle venait d'être offensée dans son humeur, froissée dans ses sentiments maternels, et l'oncle de son mari, qui aurait dû la défendre et la soutenir, n'avait pour elle que des paroles froides et désolantes. Le vieux Pierre Guerre était avant tout un égoïste. Dans sa jeunesse, on l'avait accusé de pratiquer l'usure, et au fait, on ne savait trop par quels moyens il s'était enrichi, car le petit commerce d'étoffes auquel il s'adonnait ne semblait pas lui procurer de grands bénéfices. Lors de la disparition de son neveu, il était naturel qu'on lui confiât le soin de faire valoir le patrimoine de la famille, et, sur le champ, il s'occupa d'en doubler les revenus. Mais, sans se croire obligé d'en rendre compte à Bertrande. Aussi, quand il se persuadait que Martin ne devait plus revenir, pouvait-on lui supposer le désir de prolonger une situation dont il tirait parti. La nuit étendait peu à peu ses voiles. C'était à ce moment où le crépuscule confond les objets lointains et rend les formes indécises. On touchait alors à la fin de l'automne, cette saison mélancolique qui réveille tant d'idées sombres et le souvenir de tant d'espérances perdues. L'enfant était rentré dans la maison. Bertrande, toujours assise devant la porte et le front penché sur sa main, songeait tristement aux dernières paroles de son oncle et revoyait en imagination le passé qu'elle lui avait rappelé. Les scènes de leur enfance, lorsque mariés si jeunes l'un à l'autre, ils n'étaient encore que des compagnons de jeu, préludant par d'innocentes joies aux graves devoirs de la vie. Puis, leur amour croissant peu à peu avec leurs années, jusqu'à ce que l'habitude du bonheur se fut changé pour elle en passion, pour lui au contraire, en indifférence. Elle croyait le voir encore tel qu'il était la veille de son départ, jeune et beau, portant fièrement la tête, revenant d'une chasse pénible et allant s'asseoir au berceau de son fils. Elle se rappelait aussi avec amertume les soupçons jaloux qu'elle avait formés, la colère avec laquelle elle les avait laissés éclater, l'offense qu'elle lui avait faite et la disparition de son mari outragé, suivie de 8 ans d'absence et de deuil. Elle pleurait sur son abandon, sur le désert où s'écoulait sa vie, ne voyant autour d'elle que des âmes froides et des esprits cupides, et ne vivant que pour son enfant, pour celui qui lui retraçait au moins une image incomplète de l'époux qu'elle avait perdu. Perdu, oui, perdu pour jamais, se disait-elle en soupirant et en levant les yeux vers ses campagnes, qu'il avait vues tant de fois à cette même heure du jour, au dernier feu du soleil couchant, revenir pour le repas de famille. Bertrande parcourait d'un regard distrait les collines éloignées qui dessinaient leurs noires silhouettes sur le ciel enflammé de l'Occident. Puis, elle ramena sa vue sur un petit bois d'olivier planté à l'autre bord d'un ruisseau qui coulait au pied de sa demeure. Tout était calme. L'approche de la nuit ramenait le silence avec l'obscurité. C'était là le spectacle que Bertrande avait tous les soirs. Et quoiqu'elle eût peine à s'en détacher, elle se levait pour entrer dans la maison, lorsqu'un mouvement qui se fit entre les arbres attira son attention. Elle crut d'abord se tromper, mais les branches craquèrent en s'écartant, et une forme humaine parut de l'autre côté du ruisseau. Bertrande eut peur. Elle voulut crier, mais l'excès même de l'émotion paralysa sa voix, comme il arrive dans un rêve effrayant. Il semblait en effet que ce fût un rêve, car malgré les ténèbres épaissies autour de cette figure indistincte, elle crut reconnaître les traits bien chers à son souvenir. Était-elle le jouet d'une hallucination? Ses rêveries ardentes l'avaient-elle exaltée à ce point? Elle craignit d'être folle et s'agenouilla pour prier Dieu. Mais l'illusion ne s'effaçait pas, et devant elle se tenait toujours cette ombre immobile qui, les bras croisés, la contemplait. Alors elle crut à la sorcellerie, à quelque charme du démon, et superstitieuse comme on l'était à cette époque, elle embrassa avec ardeur un crucifix qu'elle portait sur son sein et tomba presque évanouie. D'un bond, le fantôme franchit le ruisseau et parut à côté d'elle. « Bertrande, » lui dit-il d'une voix émue. Elle leva la tête, poussa un cri perçant et se trouva dans les bras de son mari. Le soir même, tout le village fut instruit de cet événement. Les habitants se pressaient devant la porte de Bertrande. Les amis, les parents de Martin, voulurent tous le revoir après ce retour miraculeux. Ceux qui ne l'avaient jamais connu ne furent pas les derniers à témoigner leur curiosité. Si bien qu'avant de se retirer auprès de sa femme, le héros de l'aventure fut obligé de se montrer publiquement dans une grange attenante à sa demeure. Ses quatre sœurs fendirent la foule et lui sautèrent au col en sanglotant. L'oncle, averti, examina son neveu avec surprise d'abord, puis il tendit les bras. Tous le reconnurent, à commencer par la vieille servante Marguerite, qui était entrée au service des deux époux le jour même de leur mariage. On observa seulement que l'âge plus mûr avait affermi ses traits, donnait plus de caractère à sa physionomie et plus de développement à ses formes robustes. On remarqua aussi qu'il avait une cicatrice au sourcil droit et qu'il boitait légèrement. C'étaient deux blessures qu'il avait reçues, dit-il, et dont il ne souffrait plus. Martin Guerre paraissait impatient de se retirer près de sa femme et de son fils, mais la foule assemblée exigeait un récit des événements qui s'étaient passés pendant son exil volontaire. Il fut obligé de la satisfaire. L'envie de voir le monde, l'avait, dit-il, saisi au milieu de son bonheur, il y avait 8 ans environ. Il n'avait pu résister à cette humeur vagabonde, et un soir, il était parti à l'improviste. Un instinct bien naturel l'avait d'abord conduit dans son pays, en Biscaye, où il avait embrassé ceux de ses parents qu'il y avait laissés autrefois. Là, il trouva le cardinal de Burgos qui l'attacha à sa maison en lui promettant des profits, des orions à donner et à recevoir, et bon nombre d'aventures. Quelque temps après, il passa au service du frère de ce cardinal qui, bien malgré lui, le força à le suivre à la guerre et à s'armer en partisan contre les Français. Ce fut ainsi qu'il se trouva dans les rangs espagnols à la bataille de Saint-Quentin, et qu'il reçut un terrible coup de feu qui lui traversa la jambe. Transporté dans une maison d'un village voisin, il tomba entre les mains d'un chirurgien qui voulait lui couper le membre blessé. Mais par bonheur, ce chirurgien qu'il avait quitté un moment ne revint plus, et le malade, ayant trouvé une bonne vieille femme qui pansa sa blessure et qui le soigna nuit et jour, se rétablit heureusement en quelques semaines. puis retourna vers le village d'Artigues, heureux de retrouver sa maison, ses biens, surtout sa femme et son enfant, et bien résolu à ne plus les quitter. En achevant cette histoire, il donna des poignées de main à ses voisins encore émerveillés de le voir au milieu d'eux. Il appela par leur nom plusieurs paysans qu'il avait laissés fort jeunes et qui, s'entendant nommer, s'avancèrent vers lui, hommes faits et à peine reconnaissables, tout joyeux cependant de n'être pas oubliés. Il rendit à ses sœurs caresse pour caresse, demanda pardon à son oncle des chagrins qu'il lui avait causés dans sa jeunesse par sa mutinerie, et lui rappela en riant les corrections qu'il avait reçues de lui, et se souvint aussi d'un moine de Saint-Augustin qui lui avait appris à lire, ainsi que d'un révérend père capucin dont la conduite déréglée avait tant fait scandale dans le pays. Bref, il parut, malgré son long voyage, avoir conservé une mémoire toute fraîche des lieux, des hommes et des choses. Les bonnes gens le comblèrent de félicitations. Ce fut à qui le bénirait d'avoir eu la bonne pensée de revenir. Ce fut à qui rendrait témoignage du chagrin de Bertrande et de sa vertu si parfaite. On s'attendrissait, on pleurait, et on vida plusieurs bouteilles de la cave de Martin Guerre. Enfin, on se sépara avec force exclamations sur les coups imprévus du sort, et chacun se retira chez soi, ému, surpris et satisfait. Sauf peut-être le vieux Pierre Guerre, qu'un mot de son neveu avait frappé d'une manière fâcheuse pour ses intérêts, et qui rêva toute la nuit aux chances de perte que lui préparait ce retour.